Graine petite, fragile comme le verre, sucrée comme la pomme, dessine son caractère. Benji Rastafari, on veut nous amener en douceur vers l'ère moderne, dessiner les contours d'une société nouvelle, un endroit où l'envie nous gouverne, tous embarqués sur la même caravelle. Et à qui faire confiance? À qui cacher ses peines? À qui confier ses secrets sans qu'il ne les révèle? À qui faire confiance? La vie est une question, essayez à voir où elle mène. J'ai peur qu'elle ne fournisse qu'une réponse artificielle. Come on, Mr. Evandro Junior, à la guitare. Ok. Check. I restart. Check. A problem with my mic. Do you want I mute the bass? You want to mute the bass? I mute. Okay. Souvent rêvé d'une vie douce et facile, pour tous où nos valeurs pouvaient s'accorder. J'y ai cru même, je l'ai voulu et voté, mais cet espoir s'est écrasé en beauté. La société se cache derrière un sourire de sorcière. Don't like this. Hey, no, I'm looking for lyric, but thank you. de lyric. Sorry for the mic. La résistance est organisée de toutes les meilleures. Solo for the start. I restart and you play solo and after I sing. Cette fois c'est la bonne. Ceux qui parlent, nombreux sont ceux qui bousculent. Hypocrite et parasite de l'homme jusqu'au crépuscule. Quel que soit ton domaine, tu haïs ton salut. Il y aura toujours quelques haines menées par quelques jaloux. Sache qu'avec leur énergie déployée à nous ralentir. Hypocrite et parasite, finiront par nous voir grandir. Merci de nos valeurs, forts et fiers de nos couleurs. Toujours quelques haines menées par quelques jaloux. Nous restons debout dans l'arène comme le dernier gladiateur. Où sont les parfums sucrés de l'enfant? Sont-ils passés lorsque tout était facile? Vous n'aviez rien à penser, dites-moi. Où sont tous les parfums sucrés de l'enfance? Où sont-ils passés? Tout ce qui était facile. Oh, come on! Everybody, come on! musique nous a séduits et nous sommes là pour la servir. Dans toutes les langues, pouvoir l'explorer sans limite. Car lui mettre des frontières serait vouloir la servir. Méfie-toi de l'endroit où la confusion s'invite, car c'est souvent de là que la confiance s'effrite. Je laisse à mon âme et ma conscience me dicter ma conduite. Car les menteurs et les faux frères feront des bébés hypocrites. Tant qu'il y aura des réussites, il y en aura pourtant. Leur destin rattrapera ceux qui tournent avec le vent. Avec le vent. Come on everybody, now you play music and I stop singing. We'll be right back. Ladies and gentlemen, guitar player Mr. Evandro Jr. Faites du bruit pour Evandro.